Et bonjour à toutes, on est samedi et c'est l'heure de votre émission Disco Funk. On va débuter par la découverte du jour. The Jones Girls et leur titre Night Over Egypt va vous faire voyager. Paru en 1981 et extrait de l'album Get As Much Love As You Can, le groupe est composé des trois sœurs Jones, originaires toutes les trois de Détroit. Elles ont travaillé avec Diana Ross et Teddy Pendergrass entre autres. Leur premier album paraît en 1979 et sera suivi de 5 autres. Elles remporteront durant leur carrière un disque d'or et cette dernière va s'achever en 1992. Bon allez, assez parlé, place à l'écoute. Thank you. les 100 hits, on va parler de Sylvester et de son Do You Wanna Funk. Pendant l'enregistrement du titre, Patrick Cowley, un cadre des synthétiseurs, est malade. Il est en phase terminale d'une maladie dont on ne sait rien et qui fait des ravages, le sida. Ses proches racontent que c'est allongé dans un fauteuil qu'il donne des instructions à l'ingénieur du son. Il tient tout de même à terminer ce morceau qu'il compte sortir simultanément sur l'album All I Need de Sylvester et en single sous son nom. Les deux travaillent ensemble depuis le fameux You Make Me Feel. Do You Wanna Funk est la dernière collaboration entre les deux. L'inspiration vient de I'm Your Jenny de Jenny Tracy que Sylvester adore. Dans cette chanson, Tracy, qui fut un temps sa choriste et qui a failli faire partie du groupe The Weather Girl, chante Let Me Funk With Your Emotion. Sylvester reprend la symbolique et compose les paroles de cet hymne. Do You Wanna Funk est le dernier coup de génie de Cowley qui s'éteint le 12 novembre 1982 à l'âge de 32 ans. Sylvester, en concert le jour de sa mort, lui rend hommage sur scène juste avant de jouer le morceau en guise de requiem. C'était en 1982 et ça donnait ça. Jet, le festival de toutes les musiques. La face B, ça fait un petit moment qu'on n'y a pas eu droit. On va rectifier ça tout de suite. Evelyn Champagne King, vous connaissez ? I Heart, un peu moins. Et Take a Chance, pas du tout. Et pourtant, ça bouge bien et ça colle parfaitement au thème de notre émission. Cet extrait de l'album A Long Time Coming, paru en 1985, je me demande pourquoi je ne vous l'ai pas proposé plus tôt. On va réparer l'erreur car c'est votre jour de chance. On est bien lancé et on va continuer sur notre élan. Pour le maxi, Tomorrow's Edition est leur titre In The Groove, paru en 1982 sur l'album A Song For Everyone. C'est l'unique album du groupe d'ailleurs. Et je vous ai déjà présenté un de leurs morceaux, enfin un extrait de cet album, Part-Time Lover, qui avait fait mouche. J'espère que celui-ci vous conviendra aussi. C'était en 1982 et ça donnait ça. On va pas se quitter comme ça. Un dernier pour la route, et pourquoi pas Oliver Cheatham. Vous croyez tout connaître de lui, il en reste encore pas mal dans mes cartons. Good Time, paru en 1988, est tiré de l'album Go For It, cet album qui contient SOS et Celebrate. C'est un succès d'estime, mais succès quand même. Le gros souci avec Oliver Cheatham, c'est qu'il est assimilé à Get Down Saturday Night, et que c'est très dur pour lui de s'en démarquer. Je vais vous promettre un super moment avec ce morceau, que je dédicace à mon collègue Le Gax. Et voilà, c'est fini. Mais quelque chose me dit qu'on va se retrouver semaine prochaine, même heure, même endroit. Allez, bonne semaine à vous. Bye bye.